La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. Bonjour à toutes et à tous, nous passons la semaine avec un écrivain et philosophe qui avait la politique en ligne de mire, Jean-Paul Sartre, 1905-1980. Le Sartre dont nous allons parler toute la semaine ne sera pas en priorité celui de l'être et le néant ou de la transcendance de l'ego, mais bien plutôt celui des mouches, de huis clos, des chemins de la liberté, du mur et de la nausée. Bref, de l'auteur de fiction, de l'homme de l'être qui savait ne pas enfermer sa créativité dans des concepts philosophiques, même si toute sa littérature est évidemment une mise au concret de ses idées. C'est surtout demain que nous parlerons de ses romans avec l'écrivain et critique littéraire Michel Contat, qui non seulement a bien connu Sartre, mais qui a également rédigé la préface à ses œuvres romanesques dans la collection de la Pléiade. Mercredi, avec Jean-François Louette de l'Université Paris-Sorbonne, nous nous intéresserons aux écrits autobiographiques de Sartre, Les mots et Les carnets de la drôle de guerre en particulier. Enfin jeudi, nous raconterons le rapport de Sartre au voyage, lui qui s'est beaucoup promené, avec ou sans son castor, aux quatre coins du monde, et dont les personnages des romans ont parfois un rapport désabusé à l'ailleurs, comme Antoine Roquentin dans La Nausée. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, notre émission introductive et biographique avec Annie Cohen-Solal, grande spécialiste de Sartre et auteure d'une biographie de référence parue sur lui chez Gallimard en 1985 et rééditée depuis en folio essai, auteur également en 2013 de l'essai Une renaissance sartrienne, toujours chez Gallimard. Bienvenue à tous, voici la compagnie des auteurs. Vous êtes né à Paris le 21 juin 1905, rue Mignard, dans le 16e. Vous avez 68 ans. 67. Vos... 67, pardon. Vos parents appartenaient à la bourgeoisie moyenne. Votre père, polytechnicien, était officier de marine. Il est mort en Cochinchine, vous aviez 8 mois. Ce père, Jean-Paul Sartre, vous a-t-il manqué? C'est difficile à dire. Je pense que ça a été très important de ne pas avoir de père. Je pense en particulier que... un enfant subit toujours l'influence de son père sur le plan des professions, de la propriété, d'une foule de choses que le père a déjà hérité des autres et qui lui font comme un destin. Moi, certainement, je n'ai pas eu ça. Je n'ai pas été commandé, si vous voulez. Ce qui m'a sans doute donné mon sentiment de la liberté. Donc, je ne peux pas dire que mon père m'ait jamais manqué. Ça a été une photo pour moi dans la chambre de ma mère et c'est tout. Ensuite, vous avez eu les sentiments d'un père à votre tour? Non, je n'ai jamais été vraiment père. Donc, ce côté-là n'existe pour ainsi dire pas pour moi. Jean-Paul Sartre qui répondait à Jacques Chancel le 7 février 1973. Bonjour Annie Cohen-Solal. Bonjour Mathieu. Alors Sartre a parlé de son enfance dans son plus beau livre, Les mots, une autobiographie consacrée aux 12 premières années de sa vie qu'il a nommée ses années de folie. Quand je dis le plus beau livre, c'est parce que vous-même l'avez écrit dans le petit Découverte Gallimard que vous avez aussi rédigé et que j'ai omis de citer. Pourquoi ces années de folie ? D'abord, c'était les plus belles années de son enfance, et en même temps les années de folie. Les plus belles années de son enfance parce que ce sont les années qu'il passe seul avec sa mère Anne-Marie, qu'il adorait et qui l'adorait, dans une chambre chez les parents d'Anne-Marie, qui sont le professeur Charles Schweitzer et sa femme, dans des lits jumeaux, dans la chambre des enfants, dans des lits jumeaux. Donc Sartre et sa mère sont frères et sœurs. Et... ils vont vivre pendant 10 ans une espèce de relation incestueuse, comme il dit l'inceste, c'est la seule relation familiale qui m'émeuve, enfin, pseudo-incestueuse, pas consommée bien sûr, et comme deux enfants libres et heureux. Elle lui passait tout. Elle courait avec lui chez les boutiquaires acheter des bandes dessinées, des BD. C'était Nick Carter, Buffalo Bill, etc. Elle allait avec lui au cinéma. Sartre a dit dans ce, justement dans les mots, le cinéma et moi avions le même âge. Nous étions nés au début du XXe siècle. Donc, ils allaient au jardin du Luxembourg où le petit garçon, qui était un enfant surdoué, jouait avec les petites filles à faire des représentations de marionnettes en se cachant sous un drap et en faisant jouer des petites poupées. On voit déjà, c'est ce qui c'est, le Sartre dramaturge qui écrit pour ses petites amies. C'est extrêmement amusant. Et donc, ces années étaient tout à la fois des années de grand bonheur et qui vont se fracturer quand Anne-Marie va se remarier, et qui sont aussi des années de folie parce que l'enfant précoce se rend compte qu'un enfant est aux mains des adultes, qu'un enfant n'est qu'un objet dans une salle de miroir aux mains des adultes, et que pour devenir sujet, il ne peut faire qu'une chose, c'est écrire, être agent. Et c'est ce qu'il va faire, il va devenir un enfant fou qui va devenir écrivain à l'âge de 5, 6, 7 ans. Et alors, Anne-Marie va recopier tous ses textes les lire en public. Dans les mots, Jean-Paul Sartre se considère comme le fils de personne. Mmh. Et dans sa vie aussi, sans doute, il s'est considéré comme le fils de personne. On va dire qu'il a perdu son père, et rapidement, peut-être dans quelles conditions. Mais il n'est pas quand même tout à fait fils de personne. Il est fils de la bonne bourgeoisie intellectuelle de son époque, Nicolas Solal. Tout à fait. Mais très vite, on sent que se met en place une philosophie du sujet, une philosophie qui donne à l'individu une place qui est une place d'acteur et non pas d'objet. Et ça, toute sa vie, va lutter contre le déterminisme social. Il faut lutter, dit-il, contre tout ce qu'on a d'inculqué en soi. Pour devenir soi-même, il faut lutter contre ces déterminants sociaux, y compris l'héritage familial. Donc Sartre a une très mauvaise relation avec tout ce qui est héritage, famille, tradition, passé. Et en fait, malgré sa philosophie précoce de l'individu seul, il est marqué, bien entendu, hein, par les deux personnes qui sont le plus proche de lui, c'est-à-dire sa mère et son grand-père, qui est capital. Et je pense que ça, c'est un élément très important qu'on n'a pas assez regardé, puisque celui qui va élever le petit enfant surdoué, jusqu'à l'âge de 11 ans, de manière privée, à la maison, en étant son pédagogue communale. Privé, oui. En anglais, on dit homeschooled. Ouais. C'est son grand-père, Charles Schweitzer, qui est un des grands pédagogues de la Troisième République et qui a fondé une méthode extrêmement brillante, géniale, d'enseignement des langues étrangères, notamment l'allemand, il est agrégé d'allemand, des langues vivantes, mais très, très avant-gardiste. Et c'est ce grand-père-là qui, avec deux générations de retard, va élever cet enfant de 11 ans. Et donc, il est le seul élève d'un grand-père pédagogue, qui est un grand-père pédagogue protestant, dans cette armée de protestants libéraux qui, autour de Jules Ferry, ont créé l'enseignement public de 1905. Donc, il est élevé comme un enfant protestant, complètement à l'écart des congrégations catholiques. Un enfant protestant, c'est-à-dire, on l'apprend à faire naître sa véritable personnalité sans répéter ce que disent les maîtres. Parce que le père est donc mort, on l'entendait dans l'archive, alors que Jean-Paul Sartre a environ 8 mois. Est-ce qu'on peut le croire quand il dit que finalement, ça n'a aucune importance pour lui, le fait d'avoir grandi sans père? C'est certainement une défense. Il se trouve que le père de Sartre, moi j'ai beaucoup, beaucoup chercher et trouver. C'est absolument fascinant parce qu'il y avait beaucoup de points communs. Le père était petit, comme Sartre. Le père était brillant, comme Sartre. Le père était explorateur, comme Sartre. Et il s'est retrouvé en Cochinchine faire les dernières guerres coloniales de la France. Il haïssait ces guerres. Il a rencontré sa femme après un coup de foudre, puisque c'était la sœur d'un copain de promotion. Le copain de promotion s'appelait Georges Schweitzer, donc c'était de la famille d'Albert Schweitzer. Hein. Et Sartre épouse Anne-Marie, qui était belle, qui était pianiste, qui était futée, qui était marrante. Et ils ont un enfant, il repart et il tombe malade, il va mourir d'une fièvre au large de la Crète. Et voir son petit garçon, au moment où son petit garçon se mettait en vie, lui mourait. Donc c'est une histoire dramatique, je pense, qui marque profondément l'histoire sartrienne. Et c'est donc le grand-père qui prend en main le jeune Sartre, pour le meilleur, mais parfois aussi pour le pire. Un jour, J'avais 7 ans, mon grand-père n'y tint plus. Il me prit par la main, annonçant qu'il m'emmenait en promenade. Mais à peine avions-nous tourné le coin de la rue, il me poussa chez le coiffeur en me disant « Nous allons faire une surprise à ta mère ». J'adorais les surprises. Il y en avait tout le temps chez nous. Cachotterie amusée ou vertueuse, cadeau inattendu, révélation théâtrale suivie d'embrassement. C'était le ton de notre vie. Bref, les coups de théâtre faisaient mon petit ordinaire et je regardais avec bienveillance mes boucles rouler le long de la serviette blanche qui me serrait le cou et tomber sur le plancher inexplicablement terni. Je revins glorieux et tondu. Il y eut des cris, mais pas d'embrassement. Et ma mère s'enferma dans sa chambre pour pleurer. On avait troqué sa fillette contre un garçonnet. Il y avait pis. Tant qu'elle voltigeait autour de mes oreilles, mes belles anglaises lui avaient permis de refuser l'évidence de ma laideur. Déjà, pourtant, mon œil droit entrait dans le crépuscule. Il fallait qu'elle s'avouât la vérité. Mon grand-père semblait lui-même tout interdit. On lui avait confié sa petite merveille, il avait rendu un crapaud. C'était saper à la base ses futurs émerveillements. Un extrait des mots lu par Michel Bouquet qui raconte cette séance de tonte à la suite de laquelle, eh bien, Sartre est devenu laid comme un crapaud. Est-ce que vous pensez, Annie Cohen-Solal, que son physique ait pu avoir une influence importante dans sa vie, dans la vie de Sartre? Certainement, certainement. Ce qui est très très beau dans ce texte, c'est qu'on voit aussi l'autodérision de Sartre dans les mots. Rarement les autobiographies, en général, c'est des occasions de se mettre en scène, en valeur. Or, Sartre ne fera jamais ça. Il a une autodérision formidable. Et effectivement, il dit souvent que sa relation aux femmes, qui est tellement mythique, provient avant tout de sa laideur. Il disait que il aimait, et plusieurs des femmes que j'ai interrogées, notamment Dolores Vanetti, qui a été sa maîtresse en 1945 à New York et qui est devenue une amie, m'a dit qu'il avait une manière de vous séduire, de vous parler, de vous écouter, qui le rendait totalement irrésistible. Alors Camus, il séduisait les femmes autrement, c'était plutôt la tchatche nord-africaine, mais Sartre, c'était quelque chose de genre un psychanalyste englobant, intelligent. Une écoute incroyable. Incroyable. Et Dolores, elle a mis du temps à céder. Et après, elle est devenue folle de cet homme-là. Alors, on n'en est pas encore tout à fait au Sartre séducteur. Il a une dizaine d'années quand déjà, il était peu séducteur. Il était petit garçon, il était séducteur avec les petites filles. Mais disons que peut-être pas au point où il le sera par la suite. En octobre 1915, il échappe finalement à ce trio familial formé par ses grands-parents et sa mère Anne-Marie, puisqu'il est inscrit en classe de 6e au lycée Henri IV. Et 2 ans plus tard, la famille va partir à La Rochelle. Alors là, il y a un nouveau personnage, c'est le personnage du beau-père qui est le directeur des chantiers navals de La Rochelle et qui se prend pour le père de Sartre, ce que lui n'accepte pas du tout. Ça se passe très très mal. Ça sera toujours celui contre lequel j'écrirai. C'est l'archétype du salaud. Enfin, Sartre le haïssait. Son beau-père, il le haïssait. Ce beau-père a voulu avoir de l'autorité sur lui. Alors l'enfant s'est rebellé, il a commencé à piquer, il est devenu quasiment délinquant. On l'a retrouvé piquer de l'argent dans le sac de sa mère, dire des conneries à ses copains, inventer qu'il avait une maîtresse à Paris alors qu'il avait 12 ans et demi. Enfin, bon, c'était n'importe quoi. Et du coup, crise d'adolescence, en fait. Ah oui, bien sûr, absolument, absolument. Et du coup, on l'a mis en pension à Paris. Il a découvert quand même à La Rochelle, et notamment dans son lycée, qu'en effet, les rapports entre les gens étaient basés sur la violence. Sur la violence. C'était pendant la guerre de 14, il voyait arriver des... La Rochelle, c'est intéressant parce que c'est aussi une ville protestante. Le beau-père était catholique. Je pense que la dimension religieuse joue un rôle très très important, le clivage religieux, dans la pensée sartrienne. Et en fait, dans cette ville de La Rochelle, en guerre, il a découvert les prisonniers qui arrivaient de tous les pays du monde. Il a vu l'ouverture. C'est quand même quelqu'un qui, toute sa vie, sera porté sur l'ailleurs, sur l'autre, hein, sur une nouvelle géopolitique qu'il va décrire plus tard, après la Deuxième Guerre mondiale. Là, on n'est qu'à la Première. Mais il a déjà cette perception-là. Et jeudi, notamment, nous parlerons des voyages de Jean-Paul Sartre. Mmh. Alors, La Rochelle, évidemment, c'est des années de tristesse, mais aussi des années de formation. Comme il vole dans le sac de sa mère pour le punir, on le renvoie à Paris à Henri IV, mais c'est pas du tout une punition, au contraire. Voilà, c'est pas du tout une punition. Il se retrouve avec des copains, et le premier d'entre eux, quand il entre dans la classe, c'est Paul Nizan. Il se trouve que j'ai fait ma thèse sur Paul Nizan, donc les deux, là, je les connais un tout petit peu, et c'est une histoire extraordinaire, parce que Nizan a aussi une histoire intéressante. Ils vont intégrer l'école normale en même temps. Nizan est fils d'ouvrier devenu contremaître, et il est plus en avance que Sartre. Il est plus grand, il est plus élégant, il écrit déjà, et ils vont se façonner l'un l'autre, ils vont se fortifier l'un l'autre, ils vont sillonner Paris, ils vont écrire, ils vont avoir une boulimie de lecture, ils vont lancer leurs ambitions dans la ville de manière simultanée. C'est une très très belle histoire. Et quand ils entrent dans l'école normale, on les appelle Nitre et Sarzan, parce qu'ils louchaient dans les deux sens, l'un dans l'autre sens, vers l'extérieur Sartre, Nizan vers l'intérieur, enfin bref, ça a été tout ça très connu. Et d'ailleurs, vous parlez de Nizan, je crois que c'est par Nizan que vous avez rencontré Jean-Paul Sartre. Oui, absolument. Absolument. Avant de faire ma thèse sur Nizan, j'ai fait ma maîtrise. J'étais à Nanterre en 68. Et une copine me dit, tu sais qu'on peut rencontrer Sartre, il suffit d'écrire à son secrétaire. Alors je lui envoie une lettre. Et j'étais un tout petit peu... Tout le monde était accueilli par ça. Attendez, je vais vous dire, moi j'étais complètement paniquée, parce qu'à l'époque, on n'approchait pas les profs. Les profs, c'était loin, loin, loin, loin. C'était vraiment des mandarins, on n'avait pas le droit de leur parler, on les écoutait de loin. Et donc, ça c'était plus qu'un prof, c'était un prix Nobel qui avait refusé le Nobel, enfin bref. Donc j'étais totalement c'était paniquée. C'était en 69, hein, c'est ça? Ouais. Et je vais donc au rendez-vous 222 boulevard Raspail à 13h30, et j'arrive, je sonne, le petit monsieur était tout seul, il était tout petit, il s'assoit sur un tabouret très haut, il m'assoit très bas, et moi j'enlève mes bracelets, vous voyez, comme je fais toujours, parce que j'étais un peu gênée. Mes bracelets roulent sous son fauteuil, il me les ramasse, enfin ça crée des liens. Et il commence à s'intéresser au thème que je développais, c'est-à-dire le malaise dans les romans de Paul Nizan, mais d'une manière telle qu'il m'a donné l'impression que c'était moi qui était plus importante que lui. Il m'a donné l'impression que quand il me répondait, il hésitait. Il cherchait ses mots. Alors, je lui suggérais un mot. Et peu à peu, il a fait en sorte que cette relation de pouvoir qui existait au départ dans ma tête, c'était lui l'homme supérieur et moi j'étais qu'une étudiante, il a renversé cette relation de pouvoir. Il a fait en sorte que je me sente, comme on dit en anglais, « empowered ». Quand on est sorti sur le boulevard du Montparnasse 3 heures plus tard, je sentais quelque chose d'incroyable. Je n'ai pu le verbaliser que beaucoup, beaucoup plus tard. Parce qu'il avait fait en sorte de renverser la relation de pouvoir. Je crois que toute la pensée de Sartre tourne autour du pouvoir. Et du fait que le pouvoir doit toujours être critiqué. Jamais on ne doit garder sa position de pouvoir. Il l'a dit pour les profs, il l'a dit pour les hommes politiques. Je pense que c'est très important aujourd'hui, le lendemain du premier tour des élections présidentielles, mon cher. Merci d'avoir fait cette émission aujourd'hui. Je voulais simplement vous dire, Mathieu, c'est formidable de parler de faire en sorte qu'on parle de Sartre pendant une semaine de manière qu'il ne soit pas sur le ton de la haine. Et je vous remercie beaucoup au nom de tous mes amis, que ce soit France Culture et aujourd'hui. Parce que vous avez le sentiment qu'on parle beaucoup de Sartre sur le ton de la haine. On parle d'abord jamais de Sartre. Sartre est complètement évacué du débat français. Complètement. Quand je compare avec les pays étrangers, on n'en parle pas. Et on en parle pour le cracher dessus. Donc on a cherché des poux dans la tête de Sartre. Et pourquoi on a cherché des poux dans la tête de Sartre depuis sa mort en France? Moi, j'ai des réponses à ça, mais je pense que c'est une question qui mérite d'être posée aujourd'hui. Quand vous parlez de cette proximité que Sartre avait avec les gens qui, comme vous, pouvaient passer le voir, ça fait penser évidemment à ses premières années de professorat. Donc, il fait Normale Sup, il rencontre Simone de Beauvoir. On peut dire juste un mot sur l'étudiant qu'il était à Normale Sup, hein, un étudiant très gai. Bah, c'était le héros de la promotion de 24. Il était à la fois charismatique, mythique, un esprit extrêmement puissant. Il inventait un vocabulaire qui était le sien. Absolument, il avait des codes, il était boxeur, il était chanteur, il était compositeur, il était dramaturge, il avait écrit un roman que tout le monde se passait, il avait écrit un essai sur le cinéma, ce n'était pas du tout reconnu comme un genre légitimé à l'époque, il avait fait ce traité sur le cinéma qui était remarquable, Il était très très fort en philo et il a raté la grecque de philo au premier concours parce qu'en général il demandait des conseils à Raymond Aron et Raymond Aron disait il faut que j'étais c'était moi qui devais expliquer au professeur ce que disait Sartre. La pensée était tellement complexe, tellement dense que et c'est pour ça d'ailleurs qu'il a raté la grecque la première fois, c'est que il s'intéressait pas à faire une carrière universitaire mais à créer une œuvre. Et Sartre à l'École normale, c'est celui donc c'était un héritier, comme vous l'avez dit, le petit-fils de Charles Schweitzer, mais c'était un héritier subversif. Et dès le départ, il a été subversif. Subversif parce que on lui a pas appris à respecter l'autorité quand il était enfant. Donc il s'est attaqué la première année au directeur de l'École normale, Gustave Lançon, qui était le grand chef des études littéraires en France. Et Sartre a joué Gustave Lançon dans les revues de l'École normale. Comme plus tard, il va s'attaquer à De Gaulle en 60. Comme plus tard, il va s'attaquer aux États-Unis pendant la guerre du Vietnam. Donc, n'avoir jamais peur des relations de pouvoir et de la hiérarchie du pouvoir. Subversif aussi dans ses relations amoureuses, oui, avec Simone de Beauvoir, oui, où ils inventent un couple alors qu'ils appellent amour bail de 2 ans. Ils font la différence entre les amours nécessaires et les amours contingents. Oui, monsieur et madame Morgan Attic, voilà. Quand c'était des fonctionnaires un peu sans le sou, mais quand ils pensaient qu'ils étaient de riches américains, Mr. and Mrs. Morgan Attic, ça s'appelait comme ça. Voilà, donc c'était Sartre avait décidé qu'il aimait les femmes, mais qu'il était polygame. Mm-hmm. Il dit, le castor prit cette liberté et la garda. Donc, c'est peut-être plus que lui, finalement. Oui, absolument, profiter, absolument. Ils ont une relation, ils mettent en place un couple. Alors, je dirais aussi que une des raisons pour laquelle Sartre a marqué son temps, c'est qu'il a inventé de manière ouverte et de manière publique, parce que c'est Simone de Beauvoir qui l'a dit dans ses mémoires, cette nouvelle relation de couple qui ressemble à ce qu'on fait aujourd'hui dans les familles recomposées. Donc, ces familles, ce qu'il appelait sa famille alternative, cette contre-famille alternative, c'était une famille recomposée dans laquelle on était à la fois, vis-à-vis de Sartre, son ancien élève, le mari de sa maîtresse, son actrice dans les pièces de théâtre, etc. Donc il y avait ce que j'appelle, moi, la PME sartrienne, une petite et moyenne entreprise sartrienne, où l'ensemble de cette petite famille, contre-famille, avait des rôles à la fois, des fonctions à la fois affectives, financières et professionnelles. C'est rarissime. Alors, à la fin de l'École normale, tous deux sont donc agrégés. L'un part au Havre enseigner la philosophie, l'autre part à Marseille. Et puis, ils finissent par se retrouver, je vais assez vite. Et dans les années 30, Sartre part à Berlin. Mm-hmm. C'est une année quand même importante. À la Maison française de Berlin, il va étudier Husserl et la phénoménologie, que d'ailleurs Raymond Aron lui a fait découvrir. Et c'est le début du nazisme. Hitler est arrivé au pouvoir en janvier, lui arrive en septembre, et pourtant, il semble qu'il ne voit rien. Il ne voit rien. Enfin, on est dans une phase où Sartre est décalé par rapport à son époque. Il y a des périodes de sa vie où il sera en phase avec son époque. À partir de 1945, par exemple, c'est l'homme providentiel, c'est l'intellectuel hégémonique qui va devenir après en 1960 l'ambassadeur, le prophète sans mandat pour les peuples du tiers-monde. Mais dans les années 30, il est à côté de son époque. Il ne manifeste pas, il ne vote pas pour le Front populaire, il n'est pas comme son ami Nizan, membre du Parti communiste, il est membre d'aucun parti, il ne vote pour jamais. Bon. Et quand il est à Berlin, effectivement, c'est absolument ahurissant. Il est dans une période dans laquelle la seule chose qui lui importe et qui l'obsède, c'est de devenir écrivain. Il avait cru être écrivain. Il avait cru qu'il serait écrivain immédiatement. Or, son manuscrit, qu'il prépare depuis la fin de l'École normale depuis 1925, qui s'appelle à l'origine un factum sur la contingence, ce qui l'intéresse, c'est de travailler sur l'idée de contingence. Ce manuscrit va régulièrement être proposé à Gallimard et refusé par Gallimard. Et en fait, dans ces années-là, Sartre intègre ses découvertes de la phénoménologie à son roman, qui va devenir un roman philosophique. Et autour de cette idée de la contingence, il ne pense qu'à une chose, c'est devenir écrivain. Donc, quand il est à Berlin, il ne voit rien. Il est dans une bulle. C'est vrai que c'est choquant, et même moi, ça m'a étonné, mais c'est très précisément quand on cherche à comprendre les lois de la mécanique sartrienne, il était en décalage. Il s'intéressait aux marginalités, il était en marge de la société, il était enfermé dans son identité de devenir à tout prix écrivain. Donc La Nausée paraît en 1938, Le Mur, recueil de nouvelles, paraît en 1939, Gide dira que c'est un chef-d'œuvre, et puis arrive la guerre, et pour Sartre c'est la drôle de guerre d'abord. Il s'ennuie sur le front. C'est la drôle de guerre. Il déteste ça parce qu'il a un uniforme. Il est un objet dans un régiment. Il va être soldat météorologue, mais il écrit un très très beau texte. Je pense que vous en parlerez avec Jean-François Louette, qui est Les Carnets de la drôle de guerre, qui est un texte qui est paru après sa mort, un texte autobiographique, un journal. Et où il essaie de se déchiffrer lui-même, et il sera en captivité, il s'échappera de cette captivité, et peu à peu, il va prendre conscience de ce qui se passe autour de lui, prendre conscience de la réalité sociale et politique, et cette conscience-là, il n'en prendra, il l'aura que très loin de chez lui, c'est aux États-Unis, en 1945, quand il découvrira la discrimination raciale des Noirs aux États-Unis. C'est comme ça que Sartre se politise. Il y a deux moments très nets de ma vie au point que je suis dans le second et je ne me reconnais plus très bien dans le premier. C'est avant la guerre et après. La guerre a vraiment divisé ma vie en deux. Elle est arrivée d'ailleurs en 39, par conséquent j'avais 34 ans. Elle a fini à 40, quand j'avais 40 ans. Ça a été vraiment le passage de la jeunesse à l'âge mûr. Et en même temps, ça m'a révélé certains aspects de moi-même et du monde. C'est là, si vous voulez, que je suis passé de l'individualisme et de l'individu pur d'avant la guerre au social, en particulier au socialisme. Vous dites qu'il y a une cassure, mais... C'est la vraie tour, le vrai passage avant son avis. Avant, après. Et avant, ça m'a amené à des œuvres comme La Nausée, qui est encore très individuelle, et où le rapport à la société qui était donné, mais était d'autre sorte, était métaphysique. Et puis après, ça a été autrement. C'est la compagnie des auteurs que vous écoutez sur France Culture. Donc le parcours de Sartre à Annie Cohen-Solal, c'est celui d'un homme qui s'ouvre aux autres au fur et à mesure. Est-ce que pour vous c'est d'abord un jeune homme qui était un individualiste et qui comprend ou décide que l'individualisme, ça n'est pas ce qu'il lui faut pour lui ou ce qu'il faut à la société? C'est ça pour vous le passage de la guerre? Non, c'est pas exactement ça. C'est plutôt que il va... Si vous voulez, ce qu'il écrit pendant l'entre-deux-guerres va... Il va y avoir une rencontre entre le contexte, entre l'époque historique et l'individu. Voilà, c'est ça qui va se passer. C'est-à-dire que Sartre va rencontrer son époque. Il est à côté de son époque dans les années 30, mais il est les deux pieds dans son époque en 45. Et ça va se passer de manière très fine, avec différentes étapes, avec la public, surtout sa pièce de théâtre qui est huis clos, en 44. Et c'est là que Jean Paulhan va dire « Sartre est devenu un chef spirituel pour 1000 jeunes gens hein ». Donc, et très vite, en 45 par exemple, un moment capital, c'est septembre 45, c'est le moment où la presse renaît après l'interdiction de la presse par la censure allemande de la guerre, et Sartre va devenir tout à la fois un acteur de cette renaissance de la presse et un produit de cette renaissance de la presse. Pourquoi un acteur? Parce qu'il va publier dès le 1er septembre 45 sa revue Les Temps modernes, qui est toujours vivace aujourd'hui, qui existe toujours aujourd'hui, et qui est une véritable vitrine sur les pensées émergentes dans le monde entier. Il publie aussi, à ce moment-là, il publie Les Chemins de la Liberté, les deux premiers volumes des Chemins de la Liberté, et il fait une conférence qui a un succès fou, qui s'appelle L'existentialisme est un humanisme. Donc, il va être surtout très très vite à ce moment-là, dès ce moment-là, attaqué par les pensées d'extrême droite. Et je pense que aujourd'hui, en France, en avril 2017, rappeler que l'ennemi public des pensées d'extrême droite, et après en 1960 du Front National avec Monsieur Jean-Marie Le Pen qui se baladait sur les Champs-Élysées en disant fusiller Sartre, c'est pas innocent de le rappeler aujourd'hui, parce que Sartre représente cette France de l'ouverture, cette France qui est contre les pensées du repli, cette France de l'intégration, cette France de la géopolitique qui s'ouvre au monde. Et dès 45, sa première conférence, il dit qu'est-ce que l'homme, l'Européen de 45, c'est celui qui s'ouvre aux Chinois, à l'Africain, à l'Américain. Il va, dans ce voyage aux États-Unis et dans ses conférences, se rendre compte que l'hégémonie culturelle européenne est finie, que l'Europe va que la France doit passer à un statut de pays de second ordre. Et ça, il est extrêmement lucide et personne ne le lui pardonne, mais il avait raison. La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. Annie Cohen-Solal, on va continuer de parler de Jean-Paul Sartre avec vous, mais tout de suite, c'est le moment de retrouver Pierre Crosse du réseau social digital Babelio.com pour En compagnie des revues. Bonjour Pierre. Bonjour Mathieu, bonjour Annie. Cette série télé, je crois que vous voulez nous parler aujourd'hui. Eh bien oui, pourquoi parler série télé? Peut-être parce que la série est la descendante directe du roman feuilleton, comme nous le disait récemment l'écrivain Paul Vaca lors d'un entretien pour Babelio. Ça rejoint ce que disait récemment Salman Rushdie, qui travaille en ce moment sur une série télé de science-fiction politique. Peut-être s'inspire-t-il des élections un peu partout dans le monde en ce moment. Pourquoi vous parlez de série télé aussi? Peut-être parce que les lecteurs sont devenus depuis de nombreuses années de sérieux séries addicts. Je vais dire quelque chose d'un peu évident, mais le format d'une série permet souvent de rendre une plus grande justice au matériel d'origine. L'exemple le plus récent, c'est peut-être Les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire, un classique de la littérature jeunesse, dont l'adaptation en série reprend chacun des livres de la saga, alors que le film produit il y a quelques années avec Jim Carrey était un condensé en fait des trois premiers tomes. Est-ce qu'il y a, selon vous, Pierre, des adaptations de romans qui se démarquent particulièrement? Oui, alors il y a de très belles choses dans le domaine de l'imaginaire, très prisé par les amateurs de séries. Il y a évidemment le classique Game of Thrones, devenu la série phare qui plaît même aux gens qui n'ont jamais ouvert un livre de fantasy de leur vie. Vous connaissez ça, Annie Cohen-Solal? Vous avez tout vu. Les séries, oui. C'est devenu incontournable comme série. Alors on espère que les gens qui ont été peut-être captivés par la série en ont profité pour ouvrir les livres de George R.R. Martin, l'auteur de la saga, ou bien qu'ils se sont intéressés à d'autres ouvrages de fantasy, que cela leur ait donné envie, donné le goût de l'imaginaire. Peut-être seront-ils tentés par La Roue du Temps. C'est un immense classique de la fantasy signé Robert Jordan qui va enfin être publié, adapté en série télé. Peut-être lui consacrerez-vous, Mathieu, une émission dans quelques années. Mais peut-être. Il est encore peu connu en France, mais c'est une des grandes figures de la fantasy. Ce sont 14 tomes qui ont été publiés au total entre 90 et 2013. Alors, le projet de série télé date du début des années 2000. Et voilà, donc presque 20 ans plus tard, il y a enfin des choses un peu concrètes qui se décident. Je ne sais pas si les lecteurs auront le temps de lire les 14 tomes de la saga avant la diffusion de la série. Mais peut-être que c'est le bon moment pour commencer, pour l'été, pour avoir une grosse saga à lire pendant l'été. La série est publiée chez Bragelonne. Alors pour faire court, c'est l'histoire de jeunes gens, un brin naïfs, qui vont être entraînés dans une aventure pleine de bruit, de fureur et de magie. C'est un grand classique pour la lectrice Cristalitaya, qui nous dit sur Babelio, l'atmosphère sombre, lourde et pourtant extrêmement cohérente et réaliste, ainsi que le caractère des personnages qui fait ressortir la nature humaine en ce qu'elle peut avoir de pire ou de meilleur, prouve avec quel talent cette histoire a été montée. Alors toujours dans le registre de l'imaginaire, les fans de SF ont certainement aimé l'adaptation de The Expanse, dont la deuxième saison vient de s'achever. C'est au départ une série de livres de James S.E. Corey, qui a remporté de nombreux prix. Alors c'est un récit futuriste, et plus exactement un space opéra, qui met en scène les tensions les de plus en plus exacerbées entre deux superpuissances, la planète Terre d'un côté, dirigée par les Nations Unies, et la planète Mars de l'autre. Cela sur le fond d'une découverte d'une mystérieuse technologie extraterrestre. Alors il s'agit pour le lecteur Lyoko sur Babelio d'une aventure dans les étoiles pour sauver la Terre, qui nous montre le meilleur et le pire de l'humanité. Les romans sont disponibles chez Actes Sud, avec le quatrième tome, qui sort le 7 juin. Oui, c'est les Nations Unies qui vont diriger la Terre bientôt. Je voudrais dire quelque chose à Pierre. Je voudrais vous dire quelque chose sur les séries télé. En fait, les séries télé, ce qui est très intéressant, c'est que c'est une manière de donner à un public extrêmement large accès à des œuvres littéraires que souvent ils ne liraient pas. Bon, on est complètement chez Sartre ici. Pourquoi? Parce que Sartre, c'est quelqu'un qui a touché à tous les genres littéraires et qui avait au centre de sa pyramide intellectuelle une chose, c'était la philosophie, les notions philosophiques, son système philosophique. Donc il y a trois grandes œuvres philosophiques. Il y a L'être et le néant, Les cahiers pour une morale et La critique de la raison dialectique. Et autour de ces œuvres, il disait mes idées venaient, c'était comme un cancer, et il produit des romans, des textes littéraires et des pièces de théâtre. Et chaque fois, ce sont des œuvres qui vont illustrer ces notions, ces concepts, mais qui vont aller à un public de plus en plus large, même des chansons, vous voyez? Oui. Très vite. Pierre, va-t-il inspirer des séries télé? Oui. Il y a Camus qui a inspiré une série télé qui c'est Fargo. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. Donc c'était un film. J'allais vous demander justement. C'était un film donc au départ des frères Cohen. Ça a été adapté en série télé par Noah Hawley et ça reprend implicitement d'abord l'univers de, d'Albert Camus, et oui. de plus en plus explicitement, il y a une vraie réflexion sur l'absurde camusien. C'est particulièrement vrai dans la seconde saison, où l'un des personnages passe son temps à lire le mythe de Sisyphe et à se demander si la vie a réellement un sens. Alors, moi je suis partante pour une série télé avec Sartre et vous, comme vous voulez. Non mais sans blague, hein. Bon bah ça y est, c'est réglé. Oui, non mais... Ok. On va reparler. Et donc voilà, donc la troisième saison de Fargo va débuter aux États-Unis dans quelques jours. C'est peut-être le moment de se plonger dans Camus, le et dans chemin de la liberté. Merci Parti. Beaucoup, Pierre Cros. On donne Merci. Rendez-vous à nos auditeurs sur le réseau social babelio.com. Mmh. Et la compagnie des auteurs reprend sa route. Nous entamons aujourd'hui et jusqu'à jeudi une série consacrée à Jean-Paul Sartre, dont la théorie de l'existentialisme a irrigué la société française de l'après-guerre au point que fleurissaient des cafés, des couturiers existentialistes, où d'ailleurs Sartre évitait soigneusement de se rendre et de s'habiller. Voilà sa définition à lui de l'existentialisme dans une archive du 3 novembre 1947. En fait, n'est-ce pas, l'existentialisme, c'est une philosophie. Les gens ne savent jamais ce que c'est qu'une philosophie, bien entendu, puisqu'ils pensent par passion. Philosophie, c'est-à-dire quand même un effort des gens pour s'interroger sur eux-mêmes. C'est quelque chose de difficile à comprendre. La grande idée de l'existentialisme, c'est précisément de lutter contre le sentiment d'impuissance. Nous pensons que l'homme n'est jamais impuissant que lorsqu'il est persuadé qu'il l'est. Ah, alors là, c'est vraiment l'impuissance parce qu'il ne fait plus rien, parce qu'il a tout. Du dehors et que les choses arrivent en dehors de lui. Mais même dans les situations les plus écrasantes, l'existentialiste pense que l'homme est libre. Mais surtout, n'est-ce pas, nous pensons que la responsabilité de l'homme est terrifiante parce que l'homme devient exactement ce qu'il décide d'être. Cette philosophie de la liberté et de la responsabilité aussi, c'est donc l'existentialisme, la doctrine structurante au fond de la pensée sartrienne. Annie Cohen-Solal, on peut la résumer par cette formule, l'existence précède l'essence, qui au fond montre bien à quel point cette nouvelle doctrine met la liberté au centre de tout. Oui, tout à fait. Et c'est dans les temps modernes que Sartre va expliciter le plus largement ce qu'il conçoit par l'engagement. C'est vraiment les mots clés, c'est ça, c'est engagement, angoisse, responsabilité, liberté. Angoisse. L'angoisse est au cœur de l'homme. Hein. Et il va par exemple écrire dans les temps modernes dès septembre 45, on me dira que le Congo n'était pas l'affaire de Gide, que l'accusation de Callas n'était pas l'affaire de Voltaire, que la condamnation de Dreyfus n'était pas l'affaire de Zola. Mais moi, je tiens Flaubert et Goncourt pour responsables de la répression qui a suivi la Commune de Paris parce qu'ils n'ont pas écrit un mot pour l'en empêcher. Et donc, il dit, mais l'affaire Callas était-elle l'affaire de Zola ? Voilà, donc il va mettre en parallèle, en opposition, les intellectuels qui se sont tus, et les intellectuels qui se sont levés. Et ça, est-ce encore de la liberté si les intellectuels doivent absolument se lever ? Sont-ils libres ? Flaubert, après tout, n'était-il pas libre de ne pas commenter les événements politiques de son époque ? Là, il s'agit de la responsabilité de l'écrivain. Il s'agit du fait que l'écrivain est celui qui doit, avec sa plume, alerter son époque et rendre compte des situations avec sa plume, va pouvoir, si vous voulez, s'attaquer aux hommes politiques qui, eux, peuvent commettre ces délits. Or, c'était avant-hier. Hein, je faisais la marche pour la science entre le jardin d'histoire naturelle et le Quai Saint-Michel, avec des grands savants français. On était 5000, c'était très peu. Et je me disais que ces hommes-là, qui étaient admirés dans le monde entier, il y avait des prix Nobel, il y avait des médailles Fields, il y avait des directeurs d'école normale, il y avait des présidents de collèges de France. Et je me disais que ces hommes-là était dans un drôle de pays aujourd'hui. Parce que quand on voit... je me disais que Sartre, à son époque, c'était lui qui narguait le général de Gaulle en disant, en 1960, s'il avait fallu porter des valises pour la FLN, je les aurais portées. Et qui a fait basculer l'opinion publique au moment de la guerre d'Algérie, qui a dénoncé le colonialisme, qui a dénoncé la torture. Aujourd'hui, on est dans une période où les politiques s'arrogent beaucoup trop de droits par rapport aux intellectuels. Et ça a commencé, je dirais, avec M. Sarkozy, en février 2005, quand il a fait une loi qui demandait aux profs d'histoire de dire des choses positives de la colonisation française. C'est inadmissible. Donc on est arrivé dans une période où on a reculé. Et les intellectuels et les professeurs, on est maltraités dans ce pays, maltraités sur le plan financier, maltraités sur le plan du respect. Et donc vous pensez qu'il nous manque un Sartre, c'est ça? Mais tout à l'heure, Rosan Vallon en parlait aussi. Il disait « Où sont les intellectuels ?» Je veux dire, c'est très intéressant. Mathieu, je trouve que vous avez fait un geste extraordinaire. Vraiment, je veux vous rendre hommage. Ça n'est pas moi, c'est l'équipe de la Compagnie des auteurs. L'équipe de la Compagnie des auteurs, merci l'équipe. Parce que parler de Sartre, une journée pareille où on se sent tous au bord du gouffre, je crois que c'est capital pour se dire qu'il faut qu'on puisse remettre en scène cette fonction critique qui est absolument capitale au sein du politique. Mais on en a parlé aussi, on en parle aussi parce qu'on se rappelle que l'existentialisme, c'était aussi un peu faire la fête à Saint-Germain-des-Prés. Ah, absolument. C'était alors, un style de vie, l'existentialisme. Absolument. Sartre était devenu l'intellectuel organique. Il écrivait dans des cafés, il était visible, on pouvait le toucher, on pouvait lui parler. Il a toujours été proche, je vous ai dit tout à l'heure qu'on pouvait le voir facilement, mais c'est quelqu'un dont on ne se rend pas compte de la générosité et de l'accessibilité. Il n'a jamais refusé une préface à quelqu'un. Il n'a jamais travaillé beaucoup et peut-être trop. Il était obligé, pour tenir le rythme, et notamment de 46 à 49, de croquer un certain nombre de drogues. Corridrane. Oui. Du café aussi, du whisky, pas mal. Il fonctionnait, il buvait. Il a eu une période où il a produit énormément. C'est l'époque où il produisait le plus. En fait, quand vous dites cette période-là, c'est là qu'il a écrit, par exemple, dans la foulée, « Réflexion sur la question juive ». Pas un Français ne sera libre tant qu'on n'aura pas libéré on n'aura pas attaqué la collaboration. Ce regard sur les Juifs français. Je veux dire, il a parlé de ça à un moment où les Français baissaient la tête. On ne veut pas parler de ça. Une des raisons pour lesquelles Sartre n'est pas bien vu en France, pour lesquelles au moment de son centenaire en 2005, la France a été le pays qui a le moins célébré son centenaire dans le monde entier, c'est que Sartre s'est attaqué à des tabous de la mémoire collective française, que la France est un vieux pays catholique et qu'on n'aime pas. On n'aime pas. On n'aime pas que les gens parlent de ces tabous que sont la collaboration, la torture, la colonisation, l'insoumission, alors que lui, en jeune élève protestant de son grand-père, n'a pas eu peur de le faire. Donc il a pris des risques. On peut dire que dans la hiérarchie, pour employer ce mot-là, des personnes les plus dominées, il est passé au fur et à mesure du prolétariat au peuple colonisé. Il y a eu comme ça une espèce de glissement qui s'est opéré au fur et à mesure à Nico Solana. Oui, enfin, il a commencé le premier groupe qu'il a repéré, ce sont les Noirs américains. Donc ça a commencé par les problèmes raciaux. Après ça, il s'est rapproché du Parti communiste de 52 à 56, mais il a été aux côtés des colonisés, des Africains, dès 46. Il a écrit Orphée noir, cette anthologie de la poésie noire et malgache, qui est un très très beau texte, en soutenant Aimé Césaire, en soutenant Diop, en soutenant Léonard Sédar Senghor, que personne ne regardait, c'était des invisibles. Donc Sartre a donné sa dignité au continent noir. Et quand on voit des intellectuels tels que Daniel Maximin, tels que Édouard Glissant, tels que Achille Mbembe, ils sont tous une dette vis-à-vis de Frantz Fanon. J'ai trouvé une lettre très très belle à François Maspero, Frantz Fanon qui disait « Dites à Sartre de me préfacer, demandez à Sartre de me... Dites-lui que chaque fois que je me mets à ma table de travail, je pense à lui qui ouvre tant de portes pour des gens comme nous. » Il a eu une fonction, si vous voulez, d'intermédiaire, d'ouverture, de médiateur. Et le rapport avec le Parti communiste, puisqu'on a bien compris qu'au fond, la guerre d'Algérie, en particulier, c'était devenu sa guerre. Mais quel est son positionnement par rapport à l'extrême gauche de l'époque ? Il s'est rapproché à un moment donné du Parti communiste, mais il a toujours gardé une certaine forme de distance. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus, Annie Cohen-Solal ? Sartre s'est rapproché du Parti communiste quand le Parti communiste a été attaqué. Au moment de la guerre de Corée en 52, quand Jacques Duclos a été emprisonné de manière injuste, Sartre s'est rapproché de lui. Et en 56, il s'est distancié des partis communistes quand les chars soviétiques sont rentrés à Budapest. Donc il a dit, avec des gens pareils, il ne sera plus jamais question de dialogue. Et donc il s'est trouvé une petite place à la gauche du Parti communiste français, dans une position tout à fait nouvelle, qui il va aller de plus en plus vers la gauche en devenant Mao dans les années 70. Mais c'est vrai que c'est assez original, c'est même rarissime, de voir quelqu'un qui évolue d'un apolitisme quand il est jeune, en allant de plus en plus à l'extrême gauche, en devenant vieillard. Alors on l'a dit, il accepte tout, les discours, les voyages, les combats, les pétitions. Il y a quand même quelque chose qu'il n'accepte pas finalement. Il était 14 heures environ, un homme d'une soixantaine d'années, complet bleu, déjeunait dans un petit restaurant du 14e arrondissement à Paris, en compagnie d'une femme vêtue d'un cardigan vert sur lequel se détachait un collier de métal. Elle, Madame Simone de Beauvoir, lui, Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre venait d'apprendre que le prix Nobel de littérature lui était décerné. « Je refuse le prix », dit-il simplement. Il termina son petit salé et alluma une cigarette en attendant le fromage. Depuis plusieurs jours déjà, on pensait bien que cette haute récompense serait décernée au pape de l'existentialisme et qu'il ne l'accepterait pas. Tout cela donc se confirme, pas de surprise. En fait, Annie Cohen-Solal, il aurait pu accepter le Nobel si ça avait été au moment du manifeste des 121. Mais là, le timing, entre guillemets, n'était pas bon pour lui, c'est ça ? C'est ça. Sartre pensait qu'à ce moment-là, il aurait été un monsieur couronné par ces vieux messieurs qui font le Nobel et qui l'aurait transformé lui-même en institution. Donc le moment n'était pas venu. Comme je disais tout à l'heure, c'était une rencontre entre une pensée et une époque, il n'y avait plus la donne. Donc, il l'a refusé en expliquant exactement pourquoi, pour des raisons personnelles et pour des raisons objectives. Et en fait, ça coïncidait avec la sortie des mots. Mmh. Et d'ailleurs, c'est un peu pour les mots que le jury Nobel voulait donner sûr, le prix bien à sûr, Sartre. Bien sûr. Et en fait, je crois que c'est Pierre Dumayet qui avait écrit « Coup double pour Sartre, il reçoit le Nobel et il le refuse ». Et en fait, ça a été considéré de manière diverse par les gens. Moi, j'ai vu la lettre elle-même, parce que Sartre avait écrit une lettre au jury du Nobel à la main sur un bloc quadrillé en disant « Monsieur le secrétaire, j'ai appris par des amis qu'il y aurait une chance que je reçoive le prix Nobel cette année. Sans préjuger de votre décision, je vous demande de ne pas me l'attribuer. » Donc, en fait, des gens ont dit « Ah, il a refusé le Nobel pour se faire de la publicité », ce qui est complètement faux. Il l'avait demandé que ça ne soit pas public, en fait. Et effectivement, il refuse à la fois le Nobel, il refuse la Légion d'honneur. Sartre est quelqu'un qui ne fera jamais de thèse, qui n'a jamais été au Collège de France, qui refuse les honneurs, qui refuse l'institutionnalisation. Et donc, il a une place très, très particulière dans, si vous voulez, le monde intellectuel français et en général. Et ce qui fait, à ce moment-là, qui est capital, après le Nobel, c'est la création du tribunal Russell. Le tribunal Russell, c'est l'intellectuel qui dit « Il n'y a pas d'institution internationale pour attaquer un pays qui en exploite un autre, un grand pays, les États-Unis, qui en exploite un autre, une petite nation minuscule qui est le Vietnam. » Donc Sartre va inventer avec Bertrand Russell ce tribunal Russell pour remplir un vide que personne ne comble. Donc il va se situer à une position qui est au-dessus des lois, au-dessus des États-nations, au-dessus des partis politiques, au-dessus des hommes politiques élus, pour instituer, imposer cette justice internationale, qui est quelque chose de formidable. Le prix Nobel, c'est 1964. 64. 4 ans plus tard. Tribunal Russell. Et mai 68 aussi. Oui, bien sûr. Alors mai 68, c'est une rencontre avec Parce que avec un Cohn-Bendit, par exemple, Dany, qui est un des grands fanatiques de Sartre. Dès qu'on en parle, il est très très heureux de parler de Sartre. Et Sartre va lui dire, vous mettez l'imagination au pouvoir, des jeunes comme vous, vous avez tout compris, vous avez compris que la politique telle qu'elle a été menée jusqu'à maintenant était à mettre au panier. Enfin, il va l'encenser. C'est toujours un rapport aussi à l'adolescence de proximité. Tout à fait. Il aime beaucoup la jeunesse. Hein, Sartre, il aime les émergences, il aime les jeunesses du monde, il aime les expérimentations. C'est quelqu'un qui ne se sent jamais menacé par la prochaine vague. C'est ce qui arrive. Et ça, c'est rarissime. Je veux dire, il a toujours dit, le vrai pouvoir, c'est de contester. Je veux dire, le pouvoir de l'enseignant qui refuse d'être critiqué doit être refusé. Donc, il est en permanence pour cette pensée critique et cette pensée en mouvement qui est la seule pensée vraie, puisqu'elle se remet toujours en question. Et il se laissait remettre en question. La seule façon d'apprendre, c'est de contester, disait-il. Et il ne faut pas désespérer Billancourt, dit-il à ce moment-là. Oui. Bon, est-ce une phrase qu'il aurait pu regretter par la suite? Est-ce une phrase que d'autres ont regrettée finalement? Il faut la remettre dans son contexte. Il faut la remettre dans son contexte. Il a été de tous les combats des maoïstes de cette époque-là. Il a été dans les combats. Si vous voulez, il n'y a pas un groupe marginal qui était, mal vu, réprimé, stigmatisé par le pouvoir que Sartre n'ait soutenu. Il a soutenu les femmes, il a soutenu les juifs, il a soutenu les noirs, il a soutenu les homosexuels. Il a fait un premier interview dans Le Guépier, c'est Sartre qui l'a fait. Il a soutenu les gens en prison, il a soutenu tous les opprimés, je veux dire. Et par rapport à ça, moi je pense que les procès qu'on fait à Sartre, je veux dire, c'est vraiment malvenu. Je veux dire, quelle est la pensée émergente qui ne fait pas d'écart, qui ne fait pas... Je veux dire, on ne peut pas... Sartre, c'est d'abord un modèle, c'est une recherche avant d'être une doctrine. Une doctrine, c'est quelque chose de figé, de passé, de statique. Sartre est en mouvement, Sartre, il est dans les impulsions. Donc forcément, il y a des écarts, forcément, il y a des bavures, forcément, il y a des moments où il... Mais lui reprocher ça, c'est absurde, je veux dire. C'est l'ensemble de son mouvement qui est capital. Sartre était une boussole, et ça l'est toujours, pour beaucoup de gens dans le monde. À travers aussi des journaux. Bien sûr, Libé. La cause du peuple, bien sûr, Libération. Libé, c'est lui qui a lancé Libération. C'est lui qui a lancé cette agence de presse autonome et libre et drôle et qui se remet toujours en question. Je veux dire, il a aussi fait une série pour la télé avec Marcel Julien qui s'appelait Les Révolutions dans le siècle. C'était en 75. Il voulait faire raconter tout le 20e siècle sous une forme polémique. En fait, tout ce que vous avez fait entendre tout à l'heure, l'archive de 47, c'était la tribune des temps modernes. Il a eu des relations très, très, très drôles avec les médias. Enfin, parce que il a toujours un peu débordé, quoi. Alors, quelquefois, on l'a recadré, et puis, quelquefois, on a refusé qu'il intervienne. Sa série pour l'Antenne 2 a été annulée, finalement. Je pense que il avait des relations très, très intéressantes avec les gens de pouvoir. C'est Chirac qui l'a fait annuler, alors que Giscard d'Estaing voulait la conserver. Donc, il y a des hommes de droite un peu plus ouverts, comme le général de Gaulle. Le général de Gaulle, il respectait Sartre. Je pardonne à Voltaire, Sartre, mais pas aux serviteurs de l'État. Donc il attaquait les fonctionnaires, mais il pardonnait Sartre. Vous parlez là du manifeste des 121. Des 121 en 1960. Est-ce qu'il y a on mélange tout, hein, vous m'en voulez pas? Non, pas du bon, tout. D'accord, c'est ça. Est-ce qu'il y a eu, et on va continuer de mélanger encore, de la part de Sartre, des regrets par rapport, par exemple, à Raymond Aron, qu'il a retrouvé un petit peu vers la fin de sa vie, mais enfin, cette rupture avec celui qui était quand même son ami, et leur chemin se sont un petit peu écartés. Est-ce qu'il y a eu des regrets? Alors, regardez, Sartre, on a vu tout à l'heure qu'on a toujours parlé de ce sentiment d'empathie avec les émergences, avec les jeunesses du monde, avec les mouvements bouillonnants. Et par contre, Sartre a rarement eu de débat avec ses pairs, avec ses pairs. Il n'a pas eu de vrai débat avec Lévi-Strauss, ni avec Foucault, ni avec Aron. Il a eu des débats peut-être avec Merleau-Ponty. Mais il y a eu des grands conflits, des conflits frontaux, avec des gens qui avaient été ses amis. Camus, notamment, avec la rupture brutale de 52, où Sartre a été extrêmement méchant. Et avec Raymond Aron en 68, où il a écrit Les Bastilles de Raymond Aron. Mais il se retrouve en 79 pour l'histoire des Boat People, à l'Élysée. Alors que Sartre est déjà très affaibli. Il mourra le 15 avril 1980, au cours d'un enterrement qui, dites-vous à Annie Cohen-Solal, ressemblera à celui de Victor Hugo. Merci beaucoup Annie Cohen-Solal pour cette première approche du parcours de Jean-Paul Sartre. Je rappelle la biographie que vous avez faite de lui, elle est disponible dans la collection Folio, tout comme d'ailleurs deux autres ouvrages le concernant. Une renaissance sartrienne publiée en 2013 chez Gallimard, ainsi que Sartre, un penseur pour le XXe siècle. Pour le XXIe siècle, publié en 2005, toujours chez Gallimard. Demain, nous serons en compagnie de Michel Conta, qui a été l'un des collaborateurs de Sartre et qui a dirigé l'édition en Pléiade de ses œuvres romanesques. Nous parlerons notamment de L'âge de raison et de la nausée. Mais avant tout cela, comme chaque semaine, c'est Jacques Bonnaffé. Il lit des poèmes de Franck Venaille. Ça ne s'exprime pas. Peut-être est-ce muet de naissance ? Pas de ces cris d'horreur devant la vie, bien peu de soubresauts, de plaintes. Seul un murmure diffus rappelle aux passants qu'une présence trouble habite cette eau sans âge. Ces mots sont ceux de Franck Venaille dans La descente de l'Escaut, son poème fétiche. Ça ne s'exprime pas. Dort-il même le fleuve ? Connaît-il cet instant où le corps est en paix, ne souffre plus ? Se regarde, étonné, confus de n'être que cet amas de matière qui jamais ne se comprennent et parfois se combattent. Venaille se voit dans ce fleuve sombre, y voit sa vie, sa force de vivre en lui. Ça ne s'exprime pas, cela tient du refus forcené d'exister, de se lier aux autres, mais ça circule, déborde même vers un lointain clocher devant lequel un homme prie, demande que l'eau fût une seule fois, rien qu'à lui, se confie. La descente de l'Escaut est aux éditions Obsidiane. Franck Venaille a reçu le grand prix de la poésie décerné par le ministère lors de l'ouverture du printemps des poètes. Et en ouvrant La descente de l'Escaut, nous sommes tombés sur ce premier poème que nous avions oublié. Quand tremblement l'agite, vite, médicament qu'on sort, hors. L'esprit demeure vif, sniff, doux espoir, au revoir, tentation du dimanche, quand la main sans mouvement, ça ressemble à un humain, ça enverse les larmes, les genoux dans la vase, ça hurle pour qu'on le dégage, ah, sombre Escaut, tous à l'eau! Les heures et les heures où lourdement il allait marcher le long du fleuve sans rien en lui de gracile et d'heureux, mais au contraire courbé, ployant sous son poids primitif d'homme, blessé de jour en jour davantage, blessé et humilié de se voir semblable à ce rat le suivant. En appui sur la vase, soleil, un grand soleil, ce bien étrange soleil blanc matinal, tandis que l'animal effrayait même les lourdes, si lourdes, trop lourdes, pierres d'eau. Cette semaine, nous allons parcourir les textes de Franck Venaille avec parfois des citations de Jules Laforgue, dont Venaille dit « Laforgue est du côté de ceux qui splinent ». Il porte en lui l'ennui d'être au monde, dandy parmi des boutiquiers que la culture indiffère. Qu'on pense à ce vers, je m'ennuie natal, je m'ennuie, octosyllabe, qui résume parfaitement son désarroi. Oh, blocus sentimental, messagerie du levant, ô tombée de la nuit, ô levant. C'est le poème « L'hiver qui vient », la Toussaint, la Noël et la nouvelle année. Oh, dans les bruines, toutes mes cheminées d'usine. On ne peut plus s'asseoir, tous les bancs sont mouillés. Crois-moi, c'est bien fini jusqu'à l'année prochaine. Tant les bancs sont mouillés, tant les bois sont rouillés. Et tant les corps ont fait tonton, ont fait tontaine. À nuées accourues des côtes de la Manche, Vous nous avez gâté notre dernier dimanche. Dans quelques secondes, il sera 16h sur France Culture et vous avez rendez-vous avec la méthode scientifique par Nicolas Martin. Nous, on se dit à demain. Très bon après-midi à toutes et à tous.